Yes. Un peu, faut que je fasse un téléphone, j'en reviens. Hey, il y a le petit mic pour parler en real time, hein? M'entends-tu, Nick? Hey, t'as un peu hostie. Tu fais ça? Fillon, tu m'entends-tu, man? Ouais, je t'entends. Deux mesures en retard, buddy.